Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous commençons notre semaine consacrée à la philosophie médiévale que nous avons sobrement intitulée « Lumière sur le Moyen-Âge ». Un jour les barbares arrivèrent, Sainte Geneviève veillait, et Attila ne put rien faire, Lutèce alors fut contournée. Apprenons en histoire qu'un roi des Francs fut couronné. C'était Clovis et dans sa gloire, le Moyen-Âge a commencé. Le Moyen-Âge a commencé, chante la chorale du collège de Garches-lès-Gonesse. Et nous commençons notre première émission sur le Moyen-Âge que nous avons décidé de consacrer à la naissance de l'université. Bonjour Nathalie Grotchoff. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Paris-Est Créteil et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'université et la ville, les espaces universitaires et leurs usages en Europe du XIIIe au XXIe siècle, paru aux éditions Presse universitaire de Rennes. Alors ma première question sera simple, qu'est-ce qui se passe au tournant du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, pour que commence en Europe tout d'un coup à fleurir des universités ? Il se passe d'abord au début du XIIe siècle, un essor des écoles urbaines. Le XIIe siècle est un siècle d'essor des villes, d'essor économique. Jusqu'à 1100, à peu près, il y avait bien des écoles en Occident, mais elles étaient assez rares. C'était des écoles exclusivement ecclésiastiques, des écoles donc qui étaient installées près des cathédrales ou dans des monastères, qui étaient donc animées par des enseignants qui étaient des clercs, qui enseignaient entièrement gratuitement, à d'autres clercs. D'autre part, leur programme d'enseignement n'était pas très ambitieux, sauf exception et quelques lieux. L'ambition principale était d'apprendre la grammaire latine, un peu de calcul pour le compute, le calcul des dates, des fêtes religieuses, etc. Donc c'était strictement un séminaire en fait, ça préparait d'une certaine manière, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'était un enseignement réservé aux clercs, par des clercs, pour des clercs, et assez peu ambition. Et je répète, sauf exception, parce qu'il y a des grands savants avant le XIIe siècle, mais dans des lieux qui sont assez isolés. Et quand vous dites des lieux assez isolés, c'est-à-dire que... Je peux vous donner un exemple. Par exemple, on ne peut pas dire que le programme d'enseignement à Reims, autour de l'an 1000, était peu ambitieux, parce qu'il a permis à un maître comme Gerbert Doria, qui est pape en l'an 1000, d'enseigner les arts libéraux. Donc il y avait effectivement quelques centres scolaires, des cathédrales, des monastères, où l'enseignement était de très haut niveau, mais c'était plutôt rare. Ce qui se passe après 1100, c'est que ces écoles où l'on enseigne un programme qu'on va qualifier supérieur, hein, d'enseignement supérieur, même si le mot est un peu anachronique, c'est-à-dire on va enseigner la théologie, le droit romain, la philosophie, les arts libéraux ou la médecine, ces centres scolaires-là se multiplient dans les villes d'Occident. Et donc, ces centres scolaires vont se spécialiser. À Paris, par exemple, on vient de toute l'Europe pour étudier la philosophie et la théologie. On va plutôt à Bologne pour étudier le droit, à Salerne ou Montpellier pour étudier la médecine. Sachant que l'éducation se fait en quelle langue ? Tout est en latin, donc aucun souci pour les professeurs qui viennent de partout, à Paris par exemple, pour enseigner, comme pour les étudiants, ils n'ont qu'une seule langue, une langue commune. Oui, on pourrait dire que c'est l'équivalent de ce que pourrait être l'anglais aujourd'hui. Oui, sauf qu'aujourd'hui, bien heureusement, nous n'enseignons pas tous encore en anglais dans les universités françaises. Mais à l'époque, en tout cas, tout le monde enseigne en latin. Oui. Et alors, donc, on passe de, vous dites, de cette école par les clercs, pour les clercs, à autre chose un peu. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le moment un peu de rupture, de fracture qui fait passer, qui est en fait quasiment, on pourrait dire, un premier moment de laïcisation du savoir ? Bah, écoutez, c'est le début du XIIe siècle. Alors, le début du XIIe siècle, c'est donc un essor des écoles, du point de vue quantitatif. Des écoles où on enseigne des disciplines supérieures, donc un progrès qualitatif. Et l'émergence d'un nouveau type de maître. Donc, c'est évidemment, il y a le livre de Jacques Le Goff, « Les intellectuels au Moyen-Âge ». Il a bien montré dans ce livre, qui est déjà ancien, qui est paru en 1957, Jacques Le Goff s'intéressait aux métiers. Hein, donc, il s'est intéressé beaucoup aux marchands, au monde du travail urbain, et tout naturellement aussi aux intellectuels. Car ces professeurs qui viennent enseigner dans les écoles urbaines, ce sont des hommes de métier, ils se considèrent en tant que tels, ils produisent et diffusent leur savoir. Et se considérant comme des hommes de métier, ils pensent aussi qu'ils doivent recevoir un salaire pour ce travail d'enseignement. Et ça, c'est tout à fait neuf, puisque jusque-là, jusqu'au XIIe siècle, l'enseignement était donné, dispensé gratuitement par des hommes d'église. Et on a donc des maîtres, l'exemple le plus connu est Abélard, qui ont une indépendance par rapport à l'église, même s'il a pu à certains moments, il était clair, hein, mais qui ont une indépendance. Abélard dit qu'il a enseigné, qu'il a fait fortune avec cet enseignement, parce que ses étudiants le payaient pour les cours qu'il leur donnait. Mais alors du coup, il faut revenir un peu sur l'organisation de tout ça. À partir du moment où le métier un peu de philosophe apparaît, le métier d'intellectuel apparaît, par qui sont-ils financés, par exemple, ce petit pactole dont parle Abélard, d'où vient-il ? Alors, en fait, ou bien donc certains maîtres restent des hommes d'église, et donc l'essentiel de leurs revenus est une prébende canoniale, par exemple, dans un chapitre de chanoine, mais Abélard dit clairement que ses étudiants le payent, ils payent les cours à leur maître, et donc on a pas mal d'exemples de maîtres qui ouvrent des écoles. Alors, il faut tout de suite préciser que le mot « école » au XIIe siècle n'est pas un mot qui renvoie à une institution, mais l'école est simplement le groupement formé par un professeur et ses étudiants au XIIe siècle. Il n'y a pas d'institutionnalisation avant la naissance de l'université. Et c'est exactement ce que raconte, on va écouter ce texte, Jean de Salisbury. Lorsqu'encore jeune homme, je vins pour la première fois en Gaule pour étudier, je m'adressai au péripatéticien du palais, Abélard, qui régnait alors sur la montagne Sainte-Geneviève, un professeur célèbre et admiré de tous. Là, à ses pieds, j'acquis les premiers rudiments de l'art de la dialectique et attrapai, selon les capacités de mon esprit et avec une grande gourmandise, tout ce qui sortait de sa bouche. Puis, lorsqu'il partit, trop rapidement, me sembla-t-il, je me joignis au maître Albéric, qui passait pour un dialecticien très estimé et qui était en fait l'adversaire le plus acharné de la secte nominaliste. Habitant pendant 2 années complètes sur la montagne, j'avais pour professeur dans l'art de la dialectique Albéric et maître Robert de Melun. Je le désigne par le surnom qu'il a mérité en gouvernant les écoles, bien qu'il soit de nationalité anglaise. L'un posait des questions subtiles et l'autre donnait des réponses lucides, courtes et agréables. Je parlais alors beaucoup avec eux. Ensuite, l'un partit pour Bologne et oublia ce qu'il avait enseigné, que ce soit pour le mieux ou pour le pire, laissons en juger ceux qui l'ont entendu avant et après. L'autre poursuivit l'étude des textes sacrés et aspira à la gloire d'une philosophie plus noble et à celle d'un nom plus illustre. Avec ses maîtres, pendant 2 ans, je m'adonnais à la pratique des vérités d'ordre général et des règles et autres connaissances de base dont on imprègne l'esprit des garçons et dans lesquelles ses professeurs étaient remarquables. Il me sembla donc que je savais toutes ces choses sur le bout du doigt. J'avais au moins appris, dans la légèreté de ma jeunesse, à croire mes connaissances plus grandes qu'elles n'étaient. Je ne regretterai jamais cette époque-là. « Alors, on va reparler du fond hein, de ces enseignements, mais d'abord, c'est exactement ce que vous étiez en train de nous raconter. D'abord, on a l'impression qu'on est un peu à Athènes et qu'on passe de maître en maître, qu'on passe voilà un an auprès de celui-ci et puis on je sais pas, on prend le cheval et puis on va voir un autre maître. Alors, je reviens quand même, vous allez penser que c'est obsessionnel, mais je reviens quand même à cette question économique. Vous dites, à ce moment-là, ce sont les élèves qui payent les maîtres pour recevoir un enseignement. Et donc, on est d'accord, c'est réservé strictement à la noblesse. Nous n'avons pas beaucoup de sources d'ordre économique pour étudier la population universitaire, enfin de sources socio-économiques sur la population étudiante au 12e et même après hein, pour l'époque universitaire. Il est clair que beaucoup de ces maîtres et de ces étudiants avaient des biens familiaux, donc étaient issus, peut-être, probablement, on est très prudent, de la petite noblesse. C'est le cas d'Abélard, par exemple, qui dit au début de l'histoire de mes malheurs qu'il est dans une famille noble, mais que lui n'a pas choisi de devenir un chevalier, d'un militaire, mais qu'il embrasse voilà, la carrière des armes intellectuelles, voilà, de la dialectique. Donc oui, il devait y avoir beaucoup de maîtres et d'étudiants. Il fallait avoir les moyens de se rendre dans une ville loin de son pays d'origine et de pouvoir y habiter, payer un loyer, se nourrir, payer le maître, etc. Même si cette question du salaire est très compliquée à étudier pour les historiens, parce qu'on n'a pas du tout de documents, mais on a tout de même, par exemple, des traités au début du XIIIe siècle. Alors, bon, on a des témoignages comme celui d'Abélard où, très explicitement, il explique qu'il fait fortune en enseignant. Donc là, c'est clair, mais c'est un témoignage qui est assez rare. On en a peu, des témoignages comme celui-là. Après, au début du XIIIe siècle, il y a des traités. Je pense par exemple à Robert de Courson. Il y a des traités de théologiens où les auteurs, donc ses maîtres, se demandent s'il est légitime ou pas de demander un salaire aux étudiants, de l'argent aux étudiants. Alors, ces théologiens répondent oui, si le maître n'a rien pour survivre, il peut demander de l'argent. En revanche, mais ça n'était pas complètement institutionnalisé. Ah, c'est extraordinaire, on a l'impression qu'on est toujours dans les mêmes débats. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, est-il légitime ou pas de demander aux étudiants de l'argent? Et on a vraiment, on a des textes très intéressants là-dessus, mais vous voyez qui sont des textes doctrinaux, enfin, c'est à l'intérieur des écoles qu'on débattait là-dessus, mais ça reflète évidemment une réalité. Bien sûr. Et alors, donc, du coup, on passe de ce système qui est un système assez informel à un système beaucoup plus formalisé qui est celui de l'université. Et alors, comment ça se passe? J'imagine que ça se passe pas d'un seul coup. Non, ça ne se passe pas d'un seul coup. Et on peut même dire qu'on ne sait même pas, on ne connaît pas en général la date précise de naissance des premières universités. Il y a donc eu cet essor des écoles. Il y a des centres scolaires, on va prendre l'exemple de Chartres, où les écoles ont été très nombreuses au milieu du XIIe siècle, avec des maîtres comme Bernard de Chartres. Et ensuite, semble-t-il, des centres qui ont plutôt, comme Chartres, décliné un peu à la fin du XIIe siècle. Et au contraire, d'autres centres scolaires qui ont continué à se développer avec des écoles extrêmement nombreuses. Là, on a beaucoup de témoignages, par exemple, pour Paris, ou pour Bologne, ou Oxford, qui s'est développé plutôt dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et les écoles se sont multipliées. À Oxford comme à Paris, les maîtres vont finir par s'associer. Nous sommes au moment où, dans les villes, les hommes de métier, les artisans, les tisserands, les orfèvres, s'associent pour former des corporations, même si le mot corporation est aussi là encore un mot qu'on va utiliser par commodité, forment des associations professionnelles. Les maîtres des écoles, qui jusque-là n'étaient pas dans une institution, étaient isolés les uns des autres avec toute cette souplesse, hein, on pouvait passer d'un maître à l'autre et les maîtres vont décider de s'associer à un moment, vouloir s'associer pour former un métier et se donner une certaine autonomie. C'est le cas à Oxford et à Paris. Alors quand vous dites autonomie, c'est une autonomie par rapport à l'Église. Oui, mais c'est très ambigu parce qu'effectivement, à la fois un métier, une association professionnelle donne une certaine autonomie à ses membres puisque les membres donc jurent de respecter un certain nombre de règlements qu'ils se donnent, règlements concernant la pratique de leur métier, comment on rentre dans le métier, quelles sont les règles à suivre dans ce métier. Alors pour les maîtres, les professeurs, c'est simple, c'est à quels horaires on doit enseigner, qu'est-ce qu'on doit enseigner, comment on devient professeur, quels sont les examens qu'on passe pour le devenir. Les maîtres voulaient absolument contrôler le recrutement des maîtres. Mais dans le cas des universités, donc ça s'est passé à Oxford et à Paris entre 1200 et 1215. Mais en même temps, c'est assez ambigu parce que l'Église, et en particulier les papes, ont aussi poussé à la l'organisation des universités, probablement parce que pour l'Église, il était plus simple de contrôler les maîtres à l'intérieur du métier, à partir du moment où le métier fixait des programmes, fixait des règles. On voit à la fin du XIIe siècle des ecclésiastiques un peu affolés par la quantité de maîtres, par exemple à Paris, et des maîtres qui, on le voit dans le texte de Jean de Salisbury, changent volontiers de discipline. Ils sont philosophes, spécialistes de dialectique, puis après ils partent enseigner, étudier le droit à Bologne. Ils sont philosophes, puis ils sont théologiens, ça a été le cas d'Abelard. Donc ils passent d'une discipline à l'autre, et donc on ne peut pas bien contrôler leur enseignement, et les idées, et leurs pensées. Donc au fond, pour l'Église, il y a une conjonction de l'intérêt des maîtres et l'intérêt de l'Église, qui craintive des hérésies, parce qu'on est en plein moment de développement des hérésies, les vaudois, ce qu'on appelle les cathares. C'est la grande inquiétude de l'époque. Fin 12e, début 13e siècle. C'était aussi un moyen de contrôler. Et d'ailleurs, les premiers règlements, les plus anciens règlements, statuts de l'Université de Paris ou d'Oxford, ont été rédigés, certes par les maîtres, mais sous le contrôle de légats du pape. Ah. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces premiers règlements? C'est quoi les premières règles que se donnent les universitaires? Alors, il ne faut pas imaginer que ce sont des textes qui abordent absolument tous les aspects. Parce que quand on établit un statut ou un règlement, on fixe ce qui peut être discuté, discutable, peu respecté. Donc on met d'abord par écrit ce que tout le monde doit suivre obligatoirement. Alors les plus anciens statuts de l'Université de Paris datent de 1215. Ça n'est sans doute pas les premiers. Ce sont les plus anciens connus. On n'a pas d'autres textes. Sachant qu'il n'y a rien n'est mutualisé, c'est-à-dire que chaque université se donne ses propres statuts, son propre règlement. Bien sûr, mais les statuts de l'Université de Paris ont été imités dans bien d'autres universités. Hein, à Oxford, où il y a pas mal d'emprunts, puisqu'à Oxford c'est un petit peu après, et puis ensuite dans beaucoup d'universités médiévales. Il y a une soixantaine d'universités qui sont fondées au Moyen-Âge en Europe, beaucoup au XIVe et XVe siècle, qui parfois reprennent mot pour mot les statuts parisiens. Et alors dans les statuts parisiens, comment fait-on par exemple pour devenir professeur? Alors, il fallait par exemple, alors déjà les statuts fixent l'existence de facultés. C'est-à-dire que les maîtres sont rattachés à une faculté selon la discipline. Ah, donc ça, justement, ça les oblige à se concentrer sur une discipline. Non seulement ça, mais il est bien, dans les premiers statuts, il est bien dit que les théologiens, c'est dit explicitement que les théologiens ne doivent pas faire de philosophie. Et on ne peut pas aller enseigner la théologie comme ça. On a donc tout de suite fixé des durées d'études. Il fallait, pour devenir maître S. arts libéraux, c'est-à-dire maître à la faculté des arts libéraux, à Paris, c'est principalement enseigner la dialectique, l'un des sept arts libéraux. Il fallait avoir étudié 7 ou 8 années pour arriver à la licence. Ah, pour arriver à la licence? Oui, la licence qui... La licence, c'est la licentia docendi, en latin, c'est l'autorisation d'enseigner. C'est donc le dernier diplôme. C'est un diplôme qui est donc un examen, on passe un examen, et c'est donc l'invention des examens universitaires, hein, le début du XIIIe siècle. Et alors, il y a des diplômes intermédiaires avant d'obtenir la licence au bout de 7-8 ans? Au XIIIe siècle, on voit apparaître assez rapidement le baccalauréat. Le baccalauréat est un diplôme avant la licence, donc un examen que passent les étudiants. Il passe du statut d'étudiant passif, auditeur passif du maître, à celui d'étudiant assistant du maître. On va leur confier un certain nombre de cours, hein, qui ne sont pas des cours absolument magistraux, mais ils vont aider le maître. Donc un bachelier peut faire quelques cours, puis il étudie encore auprès de son maître, tout en enseignant, et il passe à licence. Licence et maîtrise étant quasiment couplées dans beaucoup d'universités, c'est-à-dire que la maîtrise est une sorte de cérémonie par laquelle le nouveau licencié devient maître à son tour. C'est complètement extraordinaire. On voit vraiment la naissance de notre système qui est resté finalement assez fidèle, même si évidemment il y a eu des modifications. Et alors, est-ce qu'on a des témoignages sur la teneur des examens? Oui, on a des témoignages sur la teneur des examens. Et on sait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Église, un peu affolée, je reviens un tout petit peu en arrière, l'Église, un peu affolée par cet essor scolaire, longtemps n'a pas réagi. Les maîtres se mettaient à enseigner dans les villes, ouvraient des écoles, attiraient des étudiants, pendant tout le XIIe siècle. Et à un moment, la papauté a eu peur. Au moment, on est dans un contexte, exactement le contexte d'apparition, ou en tout cas de reprise, de regain d'hérésie en Europe. Il y a l'hérésie, mais il y a aussi sans doute l'impression que tout d'un coup le savoir lui échappe, ou qu'il y a du savoir qui prolifère en dehors de son orbite. Un savoir qui prolifère en dehors de son orbite et qui peut être contraire ou peut contredire le christianisme, la morale chrétienne, la vision du monde chrétienne. Et donc, à un moment donné, il y a un pape qui s'appelait Alexandre III, qui a décidé de mettre en place la licentia docendi. L'invention de la licentia docendi, c'est dans les années 1170, alors c'est formalisé au troisième concile de Latran en 1179. Il est dit clairement que quand quelqu'un veut enseigner dans un diocèse, il doit demander l'autorisation de l'évêque du diocèse. Cette licentia docendi, ça voulait dire donc que la licence dépendait de devait être concédé par un évêque dans un diocèse. Cette mesure n'a pas été appliquée partout. On sait qu'elle a été plus ou moins appliquée en France du Nord, pas du tout en Italie, par exemple. Et quand les universités sont fondées, au début du XIIIe siècle, quand elles apparaissent, la licence est donc l'examen principal, le premier examen que passent des étudiants à la fin de leur cursus. Il y a donc, dans le jury, un représentant de l'évêque, ce qui était assez difficile à accepté pour les professeurs, pour les maîtres, quand ils se sont constitués en métier. Il fallait donc qu'ils admettent que l'évêque ou son représentant, à Paris, le chancelier de Notre-Dame... Et ça, quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière, dans les matières où les étudiants étaient des clercs, c'était obligatoire. Et donc, à Paris, il y a eu tout de suite, et donc des conflits avec le chancelier, c'était très compliqué. Il a fallu plusieurs années pour que les maîtres... Et l'évêque, les maîtres et le chancelier se mettent d'accord sur cette question. Et très rapidement, les maîtres ont obtenu que la licence soit concédée par un jury de maîtres, même si le représentant de l'évêque était là, c'était les maîtres qui devaient former le jury. Et le représentant de l'évêque ne pouvait pas refuser de donner la licence à ceux que les maîtres jugeaient dignes de l'obtenir. Mais les maîtres ont tout de suite créé un autre examen, cette fois complètement interne à l'université, parce qu'il voulait bien contrôler le recrutement des professeurs. C'est la maîtrise, qui s'appelle parfois doctorat, et qui est un examen public, non pas comme la licence, un examen qu'on peut qualifier de privé, c'est-à-dire le candidat est devant le jury, mais un examen public où il n'y a plus de représentant de l'évêque, et devant l'université, les étudiants et les maîtres, une leçon inaugurale prononcée par le licencié, qui devient ainsi professeur. Donc en fait, la maîtrise et le doctorat, c'était le lieu de résistance un peu des de l'autonomie des professeurs. Tout à fait. Et alors du coup, il y a cet essor des universités. Et est-ce qu'on a un peu plus là d'informations sur qui est l'étudiant qu'on retrouve dans toutes ces universités européennes? Qui est l'étudiant, vous voulez dire, du point de vue social, oui. Le recrutement? Qui est-il? À quoi il ressemble? D'où vient-il? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est très difficile de mener des études du recrutement des étudiants au Moyen-Âge. Ne serait-ce que parce qu'on manque de sources. Par exemple, des listes d'étudiants, on n'en a pas avant le XIVe et le XVe siècle dans les universités allemandes, par exemple. On a ce qu'on appelle des matricules. Mais auparavant, on n'en a pas. Donc, il faut un petit peu regarder partout. Il semblerait quand même qu'au XIIIe siècle, c'était assez ouvert. On ne disait pas, on ne peut à l'université que si on est noble. Si... Mais il n'empêche qu'il y avait des... Comme on l'a vu tout à l'heure, on en a déjà parlé. Il y avait des obstacles économiques. Et ça devait être difficile pour les étudiants de venir à l'université. Quand ils habitaient loin de l'université, d'y séjourner pendant plusieurs années. C'était des études longues. En arts libéraux, il fallait 7 ou 8 années pour obtenir la licence. 15 années en théologie pour obtenir la licence. Hein, ça commence à devenir sérieux, 15 ans. Voilà, donc il fallait beaucoup de moyens, beaucoup de persévérance, beaucoup d'acharnement, d'assiduité aussi auprès d'un ou plusieurs maîtres. Et donc, il est évident que ça nécessitait des conditions économiques, mais aussi une grande patience, une grande assiduité. Mais on a aussi des témoignages, comme celui du poète Ruteboeuf au milieu du XIIIe siècle. Il parle dans ses poésies des étudiants pauvres. On sait qu'il y avait des étudiants peu fortunés qui allaient. Alors, après, est-ce que c'est ceux-là qui devenaient maîtres? Probablement pas. Quand j'ai étudié la population universitaire parisienne dans la première moitié du XIIIe siècle, c'est vrai que je trouve un assez gros pourcentage d'étudiants nobles parmi les maîtres. C'est-à-dire que ça devait être difficile d'atteindre, de finir ses études quand on avait des problèmes de financement de ses études. C'est évident. Alors maintenant qu'on a parlé un peu des conditions pratiques de ces études, il y a une question sur le fond qui est extrêmement importante, c'est que justement la naissance des universités s'accompagne d'un renouveau de la théologie, mais surtout d'une espèce d'expansion extraordinaire de la philosophie. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a expansion de la philosophie que les clercs sont si inquiets, on en parlait à l'instant. Qu'est-ce qui se passe justement? Quel est ce tournant philosophique? Il est évident que si on se situe au début et du XIIIe siècle et au XIIIe siècle, au moment de la naissance de des universités à Paris ou à Oxford, la faculté des arts libéraux est la faculté la plus nombreuse. C'est celle, et elle est au début de l'histoire des universités et tout au long du XIIIe siècle, une faculté propédeutique. C'est-à-dire qu'on passe d'abord à Paris par la faculté des arts libéraux, avant de rejoindre des facultés dites supérieures. Donc c'est la plus nombreuse. Et du coup, les maîtres qui enseignent, alors les arts libéraux, je rappelle qu'il y a 7 arts libéraux, que ces arts libéraux... Peut-être que vous pouvez nous rappeler les 7 différents arts libéraux. Alors, depuis la fin de l'Antiquité romaine, et depuis un philosophe qui s'appelait Marcianus Capella, au début du 5e siècle, on a l'habitude de diviser un certain nombre de disciplines du savoir en 7, qu'on appelle les 7 arts libéraux. Marcianus Capella, il avait écrit une œuvre philosophique qui s'appelait « Les noces de philologie et de Mercure ». Il y présentait des connaissances littéraires et scientifiques à travers une sorte de récit mythologique avec des allégories. Pourquoi « Noces de philologie et de Mercure » Parce que l'histoire de ce texte, c'est que Mercure, Dieu des sciences, veut se marier, il cherche une épouse, il pense à des nymphes, et finalement Apollon lui dit « Pourquoi ne te maries-tu pas avec Philologie, qui est une mortelle, mais qui passe ses veilles à étudier et dont la curiosité intellectuelle est inlassable ?» Jupiter accepte ce mariage à condition que Philologie reçoive l'apothéose, c'est-à-dire qu'elle soit élevée au rang des dieux. Et donc dans les noces de Philologie et de Mercure, les différents chapitres abordent, sous l'aspect d'allégorie, les 7 arts libéraux qui sont la grammaire, la dialectique, la rhétorique. Ces 3-là qui sont plutôt des disciplines littéraires, on les appelle le trivium. Puis, il passe en revue, Marcianus Capella, les 4 disciplines plus scientifiques, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique. Il y a donc 7 arts libéraux. Donc quand on parle de la faculté des arts libéraux, on pourrait imaginer qu'on enseignait toutes ces disciplines. En réalité, dans beaucoup d'universités, les maîtres étaient spécialisés dans 2 ou 3 disciplines. À Paris, il y a assez peu d'enseignement du quadrivium, c'est-à-dire des 4 matières scientifiques. Et les maîtres enseignent plutôt grammaire, rhétorique et surtout la dialectique. Ils sont surtout spécialisés en dialectique. Et ces maîtres de la faculté des arts sont les plus nombreux au XIIIe siècle. Donc effectivement, ils ont un grand poids dans l'université, et à Oxford également, et à Cambridge. Et dans beaucoup d'universités médiévales, la faculté des arts regroupe beaucoup d'étudiants et beaucoup d'enseignants. Donc c'est par là que passe l'enseignement de la philosophie, par ce cours de dialectique. Oui. Et alors justement, quelle est la dialectique entre théologie et philosophie à ce moment-là? On sait qu'il y a des tensions extrêmement fortes, vous l'avez dit. L'Église a peur aussi de ces universités qui prolifèrent et dont les enseignements pourraient manquer un peu à la doctrine de l'Église. Comment alors s'agence un peu philosophie et théologie? Alors, pour répondre à cette question, il faut aborder la question des programmes et des textes qui étaient enseignés dans les universités, et notamment à la faculté des arts libéraux. Au XIIe siècle, les dialecticiens, les professeurs de philosophie, ils enseignaient un assez petit nombre de textes. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est qu'un professeur au Moyen-Âge, et ça c'est vrai du XIIe au XVe siècle, son enseignement se fait de cette manière. Il prend un texte ancien, qu'on appelle une auctoritas, une autorité, et il commente ce texte chemin faisant à ses étudiants. On appelle ça la lectio en latin, la lecture, c'est-à-dire le commentaire linéaire. Il fait un commentaire linéaire. D'une autorité, d'un texte au programme. Les philosophes, au XIIe siècle, avaient assez peu de textes au programme. C'était toujours les mêmes, jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'était ce qu'on appelait la vieille logique. Les professeurs de philosophie, ils commentaient très peu de traités d'Aristote, l'œuvre d'Aristote était très peu connue à cette époque, et donc avant 1200, ils commentaient les catégories, le traité de l'interprétation d'Aristote, également un texte qui s'appelle l'Isagogé, d'un philosophe appelé Porphyre, du début du IIIe siècle. Et également, ils enseignaient les commentaires sur ces textes qu'avait écrit Boès, un autre philosophe du VIe siècle. Donc un petit corpus de textes. Mais il se passe quelque chose de très important à la fin du XIIe siècle. C'est la transmission par des traducteurs de toute l'œuvre d'Aristote, mais également de textes de philosophie et des textes scientifiques arabes, par des traducteurs, notamment un groupe de traducteurs qui se trouve en Espagne, autour d'un personnage qui s'appelle Gérard de Crémone, qui, dans les années 1170-1180, prend les manuscrits, donc trouve en Espagne des manuscrits en arabe de l'œuvre d'Aristote et de très nombreux savants du monde musulman médiéval, et traduit ces textes en latin. Aristote, qui n'était pas connu, donc ces traductions latines faites par Gérard de Crémone et son équipe mettent du temps à se diffuser, et arrive autour de 1200 dans les centres scolaires d'Occident, en France. Donc il y a coïncidence en fait historique entre la naissance de l'université et l'arrivée, le retour, le grand retour d'Aristote. Tout à fait, et on peut même dire qu'un historien allemand qui s'appelait Herbert Grundmann, dans les années 50, a écrit un livre en allemand qui s'appelle « Les débuts de l'université », et il a émis l'hypothèse selon laquelle c'était la découverte de ces textes d'Aristote, de cette œuvre gigantesque d'Aristote, qui aborde tous les sujets. Tout d'un coup fallu l'étudier, il y a eu une espèce de... ça aurait provoqué une sorte d'enthousiasme des maîtres en arts libéraux, et qu'ils auraient décidé de s'associer en métier. C'est une hypothèse intéressante, mais qui n'est absolument pas démontrable. Mais c'est une belle hypothèse qui au fond, associerait la naissance de l'université médiévale, la naissance absolue de l'université. Il n'y avait pas d'université, ni à Byzance, ni en islam, avant 1200. Donc l'invention de l'université serait associée, pour Grundmann, à la diffusion de l'Aristote latin, de l'Aristote en latin. C'est une hypothèse intéressante, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des facteurs plus politiques ou religieux ou sociaux, à la naissance des universités, des maîtres qui avaient envie de s'associer en métier, mais aussi une autorité pontificale qui avait envie de cadrer l'activité intellectuelle dans ces institutions. Alors ce retour, quelque part, à la philosophie grecque, il ne va pas aller sans, sans problème, il ne va pas aller sans une concurrence aussi, dont on parle depuis tout à l'heure, entre philosophie et théologie. Et justement, cette influence d'Aristote, elle va quelque part créer beaucoup de dissensions philosophiques et idéologiques. Oui, parce que Aristote, qui aborde de très nombreux sujets, la physique, la métaphysique, le monde, est un philosophe païen du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc sa philosophie et son œuvre sont totalement étrangères à la révélation chrétienne, car antérieures au christianisme. Et donc, dès que cet Aristote latin, cette œuvre d'Aristote, la totalité des traités d'Aristote arrive dans les écoles d'arts libéraux, on va se mettre à étudier ces œuvres. Et donc, les maîtres et sœurs, comme les théologiens, qui passent d'abord par la faculté des arts libéraux, vont être formés d'abord à l'œuvre aristotélicienne, et en même temps, une œuvre aristotélicienne qui est alors incompatible en partie, quand il parle de l'éternité du monde, par exemple, Aristote, c'est incompatible avec la vision du monde chrétienne depuis Jésus-Christ. Le souverain bien qui est possible pour l'homme lui revient selon sa meilleure puissance, virtus, et non en effet selon l'âme végétative que possèdent les plantes, ni selon l'âme sensitive que possèdent les animaux, et pour cette raison les animaux ont part au plaisir sensible. Mais la meilleure puissance de l'homme est la raison et l'intellect. Elle assure en effet le suprême gouvernement de la vie humaine, tant pour la spéculation que pour l'action. Donc, le souverain bien qui est possible pour l'homme lui revient selon l'intellect. Et c'est pourquoi il faut plaindre les hommes à ce point prisonniers des plaisirs sensibles qu'ils en oublient les biens intellectuels, parce qu'ils n'atteignent jamais leur souverain bien. Ils sont en effet à ce point adonnés au sens qu'ils ne recherchent pas ce qui est le bien de l'intellect lui-même. À leur adresse, le philosophe s'exclame « Malheur à vous, hommes, qui êtes comptés au nombre des bêtes, vous qui vous détournez de ce qui est divin en vous. » Et par « divin en l'homme », il entend l'intellect. En effet, s'il y a quelque chose de divin en l'homme, il est digne que ce soit l'intellect. Effectivement, comme ce qu'il y a de meilleur dans la totalité des êtres est divin, de la même façon, ce qu'il y a de meilleur en l'homme, nous l'appelons divin. Le souverain bien qui est possible pour l'homme, selon la faculté spéculative de l'intellect, réside dans la connaissance du vrai et le plaisir en lui. Car la connaissance du vrai procure du plaisir. Ce qui est intelligé réjouit en effet celui qui intellige. Et plus l'intelligé est prodigieux et sublime, et plus l'intellect qui comprend a de vigueur pour comprendre parfaitement, plus le plaisir intellectuel est intense. Et celui qui a expérimenté un tel plaisir en dédaigne tout autre de moindre qualité, comme le sensible, qui est en vérité inférieur et plus vil. D'écouter un extrait de Boès de Dacy, du souverain bien ou de la vie philosophique, et on voit très bien ce que vous étiez en train de nous dire. Il y a un danger tout d'un coup extraordinaire à la lecture d'Aristote, qui est qu'on commence à diviser, on commence plutôt à discriminer raison d'un côté, foi de l'autre, dire qu'il y a une double vérité, qu'il y a un double régime de vérité entre les deux, et donc quelque part la vérité de la foi perd de son emprise. Alors, Boès de Dacy appartient à un courant, donc il est professeur vers 1260-1270 à Paris. À cette date, bien qu'il y ait eu plusieurs censures de traités d'Aristote, depuis le début du XIIIe siècle, l'Église... Vous voulez dire que très rapidement, elle se rend compte de ce danger et elle va essayer d'endiguer ce... Oui, alors en fait, on n'en a pas encore trop parlé, c'est la question de la censure. Déjà au XIIe siècle, Abélard a été plusieurs fois convoqué devant des conciles parce qu'il voulait, il était théologien, mais il étudiait, il soulevait des questions relatives à la foi... Hein, avec des raisonnements, et il a été plusieurs fois convoqué et ennuyé par l'Église et condamné pour certains de ses enseignements. Et quand vous dites condamné, quelles sont les condamnations? C'est-à-dire que ses œuvres ne devaient pas être lues ou elles devaient être détruites. Enfin, ça n'a pas été le cas. Sachant que la condamnation suprême, c'est l'excommunication. Oui, on n'a pas été jusque-là. D'ailleurs, il y a tout un débat sur la question de la censure médiévale chez les historiens, notamment chez les historiens de la philosophie, qui se demandent si on a toute une série de censures, de condamnations, de telle œuvre, de tel auteur, de telle proposition. Et il y a tout un débat pour savoir si ça a vraiment été une entrave à la pensée, au travail des philosophes, ou si au fond c'était des condamnations qui n'avaient guère d'effet sur leur travail. Et en fait, les historiens ne sont pas tellement d'accord. Donc je vais en citer deux. Un spécialiste de philosophie médiévale qui s'appelle Luca Bianchi, qui enseigne en Italie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Censure et liberté intellectuelle ». Et pour Luca Bianchi, c'était quand même assez gênant et contraignant, toutes ces censures. Dès le début de l'université de Paris, il ne fallait pas étudier les livres, ce qu'on appelait les livres naturels, la métaphysique d'Aristote. Puis, à la fin du XIIIe siècle, on va y venir tout de suite, une autre censure. D'autres auteurs, par exemple Alain Bourreau, pensent qu'au fond, cette censure n'a pas eu d'énormes effets sur les travaux philosophiques. Ils ont été dérangés, mais il est vrai tout de même que quand il y avait une condamnation, les maîtres partaient, hein, ils cessaient leur enseignement, donc c'était quand même assez dérangeant. Ils pouvaient continuer à écrire, mais on a un certain nombre de professeurs de la faculté, des facultés des arts, qui ont été obligés de cesser leurs cours. Donc, cette qui censure... était renvoyée, en fait. Oui, qui était renvoyée. Alors, ça a été le cas de Boèse de Dacy. Alors, pourquoi ? Parce que, malgré ces censures répétées, finalement, à l'Université de Paris, au milieu du XIIIe siècle, on est arrivé à un moment où la papauté, les autorités ecclésiastiques ont fini par admettre qu'on pouvait tout enseigner. C'est-à-dire que toute l'œuvre d'Aristote pouvait être enseignée à la Faculté des Arts Libéraux. La date qu'on a l'habitude de citer, c'est 1255. On a des règlements de la Faculté des Arts Libéraux de Paris, et on sait que là, toute l'œuvre d'Aristote est autorisée. Donc c'est une liberté extraordinaire. Tous ces traités, y compris ces traités de métaphysique, qui pouvaient être quand même très contradictoires avec le christianisme, pouvaient être commentés dans les cours par les maîtres et les bacheliers. Et on étudiait avec, on commentait avec l'œuvre d'Aristote, des traités de ses commentateurs, comme Averroès, qui est un philosophe andalou, musulman, mort en 1198, donc mort à la fin du XIIe siècle, qui avait commenté Aristote, et les œuvres d'Averroès avaient aussi été traduites en latin et étaient également commentées, utilisées par les professeurs de la Faculté des Arts. Donc ça, c'est la situation du milieu du XIIIe siècle, d'ouverture immense, où on peut, toute la philosophie, au fond, du grand philosophe antique, Aristote, est commentée à la Faculté des Arts. Cette situation est... Il y avait probablement une grande passion de tous les professeurs de la Faculté des Arts. Ils étaient 120, 150 peut-être au XIIIe siècle. Donc ça veut dire combien d'étudiants? 1000, 1500 à Paris. Mais il y en avait à Oxford, la Faculté d'Oxford était plus petite. Il y avait d'autres Facultés des Arts en Europe. Et ces professeurs de philosophie aimaient commenter Aristote, parce qu'il donnait beaucoup de réponses à des interrogations morales, à des interrogations politiques, et même à des interrogations religieuses sur l'homme. Mais effectivement, ça posait le problème de la foi chrétienne. Que devenait-elle dans tout ça? Parce qu'Aristote n'abordait pas cet aspect. Et donc on voit émerger au milieu du XIIIe siècle un courant philosophique, en particulier à Paris, mais on sait qu'il a existé aussi dans les universités anglaises, qu'on peut qualifier d'aristotélisme radical. Les principaux représentants de ce courant sont Boèse de Dacy, dont on vient d'entendre le texte, mais on peut aussi citer Sigère de Brabant, qui étaient les deux grandes figures, les deux grands philosophes qui incarnaient ce courant. Alors, c'est un courant à ce moment-là qui est un courant marginal, ou bien c'est un courant qui prend vraiment ? Non, il n'est pas marginal. On cite toujours ces deux auteurs, parce qu'il y a beaucoup. Il faut aussi savoir que les historiens n'ont quand même pas des œuvres de tous les professeurs, et il est difficile, mais on est à peu près sûr... Qu'il y a un effet de mode, en tout cas, à ce moment-là. Il y a un effet de mode, et que c'était dominant à la Faculté des Arts Libéraux, même si on cite toujours... Surtout à Paris, en fait, ça vient de Paris. Surtout à Paris. C'est-à-dire, alors, on les appelle parfois, ces professeurs de philosophie, des Averroïstes latins, et on est à peu près persuadé qu'ils étaient majoritaires à la Faculté des Arts. C'était pratiquement tout l'enseignement à la Faculté des Arts Libéraux qui était touché par cette mode d'enseigner Aristote, et surtout... Donc, de concevoir d'une nouvelle façon la philosophie, comme on l'a entendu dans le texte de Boèse de Dacy, et de présenter le statut du philosophe, son métier, sa fonction, de façon nouvelle. Il y a l'idée, on le voit dans le texte de Boèse de Dacy, d'une indépendance de la philosophie. Le philosophe n'est pas, pour Boèse de Dacy, quelqu'un travaille pour démontrer la foi. Mais sa discipline doit être totalement autonome. Et il atteste aussi dans ce texte, c'est un texte étonnant, du bonheur d'être philosophe. Il plaide pour une existence philosophique. Et de ce point de vue, il est très proche d'Aristote. Il y a le bonheur d'être philosophe, c'est une sorte de perfection humaine, grâce à la raison. Vous savez, ça sonne comme une espèce de revanche, en fait, d'Athènes. Oui, et tout à fait, oui, c'est très, en fait, là aussi, c'est très aristotélicien, hein, il reprend les mots et les formules d'Aristote. Et c'est un projet remarquable, enfin, étonnant, d'une existence philosophique. Pour Boèse, lui et ses collègues sont des nouveaux types d'intellectuels qui vont réfléchir sur les grands auteurs philosophiques, y compris les auteurs païens. Et ils disent, notre travail sur ces textes n'est pas un travail dans le but de prouver l'existence de Dieu, comme le veulent les théologiens, mais nous, nous voulons juste une recherche pour elle-même, mieux connaître ces grands auteurs, toute cette philosophie, tous ces textes antiques. Mais alors, comment ça s'articule exactement? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a juste l'idée d'étudier des auteurs païens, ou est-ce qu'il y a l'idée que cette philosophie païenne, cette philosophie qui préexiste en fait au christianisme, peut apporter des réponses, alors peut-être pas à l'époque concurrente à celle de la théologie, mais en tout cas complémentaire, ce qui déjà est quand même une grande révolution. Oui, oui, bien sûr, c'est aussi rechercher la vérité, et bien évidemment, c'est pas être servile et lire les textes, mais c'est produire un savoir neuf et répondre aux grandes questions à partir de ces philosophes. Et donc, et du en coup, particulier comment, d'Aristote. Quelles sont les relations, du coup, entre ces philosophes et les théologiens? Alors, en réalité, ils sont regardés, ces philosophes, d'un assez mauvais œil par les théologiens à la même époque. Alors, on a des citations qui sont assez terribles. Hein. Par exemple, Bonaventure, qui est un franciscain, qui est un maître en théologie dans ces années 1260 à Paris. C'est un Italien qui était membre de l'ordre de Saint-François d'Assise. Il enseignait la théologie à Paris. Lui, il écrit carrément que les philosophes comme Boèse d'Assis font des attaques, je cite, à la doctrine du Christ par des doctrines fallacieuses. Donc, ces philosophes sont vraiment vus d'un très mauvais œil par certains théologiens. Et puis, il y a des théologiens qui vont, eux, essayer néanmoins d'assimiler Aristote. C'est le cas de Thomas d'Aquin. Nous avons justement un extrait de la Somme théologique où Thomas d'Aquin aborde cette question. Il est nécessaire à l'homme de recevoir par la foi non seulement des vérités qui dépassent la raison, mais aussi des vérités connaissables par la raison. Et ceci pour trois motifs. Premièrement, afin que l'homme parvienne plus vite à la connaissance de la vérité divine. Car la science à laquelle il appartient de prouver que Dieu existe, et d'autres choses du même genre au sujet de Dieu, est proposée aux hommes en dernier lieu, beaucoup d'autres sciences étant présupposées. Ainsi, ce serait seulement très tard dans sa vie que l'homme parviendrait à la connaissance de Dieu. Deuxièmement, afin que la connaissance de Dieu soit plus répandue. Beaucoup, en effet, ne peuvent progresser dans l'étude de la science, soit parce qu'ils ont l'esprit lent, soit parce qu'ils sont pris par d'autres occupations et par les nécessités de la vie temporelle, soit encore parce qu'ils n'ont pas le désir de s'instruire. Ces gens seraient entièrement privés de la connaissance de Dieu si les choses divines ne leur étaient proposées par mode de foi. Troisièmement, pour avoir la certitude. La raison humaine est en effet très insuffisante en matière de réalité divine. Il y a de cela un indice dans le fait que les philosophes qui ont scruté les réalités humaines par une recherche rationnelle se sont trompés sur beaucoup de points et ont eu des opinions opposées. Donc, pour qu'il y ait parmi les humains une connaissance sur Dieu qui soit indubitable et certaine, il fallait que les réalités divines leur soient transmises par mode de foi, comme étant dites par Dieu qui ne peut mentir. Alors, on voit très bien la synthèse qu'opère Thomas d'Aquin, et qui, quelque part, est bon, très profonde, mais aussi très maligne, qui est de dire il y a complémentarité, puisque foi et raison émanent toutes deux de Dieu. Donc, on passe d'un moment où il y a une condamnation, vous l'avez dit, une censure, où on chasse un peu, on part en chasse des aristotéliciens radicaux, à ce moment où Thomas d'Aquin vient pour promettre une sorte de réconciliation. Alors, Thomas d'Aquin, donc, c'est un Italien. Lui, c'est un Dominicain, donc c'est un régulier. Il était membre de l'ordre des prêcheurs. Il est venu étudier à Paris dans les années 1240, puis a longtemps enseigné la théologie. Donc, il les a fréquentés, les aristotéliciens. Oui, il les a fréquentés de près, hein, puisqu'il a été, il a été étudiant à Paris, puis professeur. Et lui, face à l'œuvre d'Aristote, il ne dit pas « on va l'étudier et mettre les questions de la foi, la révélation de côté », mais il a un raisonnement différent. Il dit « on va intégrer ce savoir aristotélicien et on va raisonner pour aboutir, on va raisonner et on va prouver, on va, par le raisonnement, on va arriver à l'existence de Dieu ». Et donc, ce que les aristotéliciens radicaux dont on a parlé précédemment ne voulaient absolument pas. Hein, ils ne voulaient pas que la philosophie soit servante de la théologie, qu'elle soit juste là pour aboutir à démontrer l'existence de Dieu. Donc, on voit effectivement, alors, il y a toute une construction intellectuelle chez Thomas d'Aquin qui a une œuvre énorme, enfin, une somme, et on a conservé énormément de commentaires. Enfin, c'est une œuvre même tellement colossal qu'on se demande comment il a eu le temps d'écrire tout ce qu'il a écrit, parce qu'il est mort. Il est mort jeune, il est mort à 50 ans. Il est reparti en Italie pour enseigner à Naples et dans sa région natale, et il est mort aussitôt. Il a une œuvre énorme, et donc il a écrit des centaines de pages, voilà, pour aboutir à cette idée d'une conciliation entre la foi et la raison. L'idée, qui est quand même assez périlleuse, qu'on peut, par le raisonnement, par le cheminement de la pensée, de la raison, arriver à prouver l'existence de Dieu. Périlleuse et sublime aussi. Et sublime en même temps. Et alors du coup, comment est-ce que l'Église réagit à ça? Est-ce que l'Église se précipite du coup sur la solution thomiste en disant c'est formidable, on a là le moyen un peu de contrecarrer les aristotéliciens radicaux? Comment ça se passe à ce moment-là? Alors en fait, les aristotéliciens radicaux, ils sont condamnés. C'est-à-dire qu'en 1277, donc ça c'est une date dans l'histoire des facultés des arts libéraux, dans l'histoire de l'enseignement de la philosophie, en 1277, l'évêque de Paris condamne 219 propositions. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des phrases, hein, c'est une liste de phrases, de propositions qui seraient enseignées donc, par ses professeurs de philosophie. Mais c'est une sorte de liste un petit peu hétéroclite où on trouve à la fois des emprunts à Boès de Dacie ou Sigère de Brabant, aux aristotéliciens radicaux, mais aussi des phrases immorales, par exemple. Pour vous donner une idée, il y a parmi dans ces 219 propositions, on ne doit pas se soucier des sépultures, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec Aristote. Donc c'est une sorte de fourre-tout, et en fait, mais qui vise quand même un grand nombre de professeurs de philosophie de la faculté des arts. Et on leur demande, voilà, de ne plus suivre cette idée selon laquelle la philosophie, enfin voilà, enseigner Aristote indépendamment de toute question religieuse. Et donc les chefs de file du courant dont on a parlé, Sigère de Brabant et Boès de Dacie, ils fuient Paris à ce moment-là. Ah oui. Parce qu'ils sont interdits d'enseigner. Hein, c'est l'évêque de Paris qui leur interdit d'enseigner, leur demande donc de stopper. Donc c'est l'exil. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que ils vont aller demander de l'aide, ou en tout cas un soutien, à la papauté. Donc, ce qui est quand même assez étrange. Et donc, on peut dire que là... Donc là, c'est Rome contre Paris, c'est encore une autre question. C'est une autre question, et en fait, les papes étaient quand même plutôt protecteurs. C'est pourquoi on s'interroge toujours sur la question de l'effet de ces censures. Mais en fait, ils stoppent quand même leur enseignement, ils sont obligés de l'arrêter. Et pour ce qui est de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, la conciliation de la foi et de la raison... Il y avait quelques propositions de saint Thomas hein, dans les 219 propositions condamnées, interdites. Pas beaucoup, mais c'est quand même plutôt la doctrine officielle de l'Église à ce moment-là. Donc, elle devient en fait à ce moment-là la doctrine... Elle devient la doctrine officielle. Officielle voilà. De l'Église. Et alors qu'est-ce qui se passe du coup avec l'enseignement d'Aristote? Il est entièrement interdit? On revient un peu à ce qu'il y avait avant? Ou à quel moment on va réautoriser l'enseignement d'Aristote? Non, on n'interdit pas l'enseignement d'Aristote, mais c'est plutôt un coup d'arrêt à cette tendance des philosophes. Cette théorie de la double vérité. De la double vérité, l'idée que le domaine des philosophes, c'est la recherche de la vérité, mais tout à fait indépendamment d'une réflexion, parce qu'il n'y a pas de voilà, la science n'est pas concernée par la question de Dieu et de la foi. Voilà, pour eux, c'est, ils n'ont pas à réfléchir là-dessus et à fournir des éléments pour démontrer l'existence de Dieu. Et alors, on peut dire qu'assez rapidement, en fait, saint Thomas d'Aquin va être enseigné. Oui, oui, en fait, c'est quand même. Et alors, il est enseigné comme philosophe ou théologien ou... Il est enseigné. En fait, ses commentaires sont très lus hein, au XIVe siècle. Et on peut même dire que. Il est quand même aristotélicien, Thomas d'Aquin. Et donc, quand, par exemple, quand il est mort assez précocement, comme je l'ai dit, en 1274. Et au début du XIVe siècle, on voit par exemple les maîtres de la Faculté des Arts de Paris demander à faire revenir son corps. Ils voulaient qu'il revienne et qu'il soit enterré à Paris. Donc, que son corps revienne. Donc, c'est quand même la figure majeure hein, pour les philosophes dans les années suivantes. Alors qu'il n'était pas vraiment... il n'était pas dans ce courant. Il n'était pas en fait en odeur de sainteté. Il devient ensuite la grande figure. Voilà, le philosophe dominant. Oui. Voilà. Au XIVe siècle. Oui. XIVe, XVe siècle. Chère Nathalie Gorotchoff, merci encore pour cette passionnante émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur évidemment de nombreux ouvrages sur le Moyen-Âge et que votre dernier livre, L'Université et la Ville, les espaces universitaires et leurs usages en Europe du XVIIIe au XXIe siècle, est paru cette année aux éditions Presse Universitaire de Rennes. J'ai dit 18e au lieu de 13. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Marie Simon qui m'a aidée à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Oury, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Audrey Guélil.